Ici Jean-Baptiste Hervé. J'animerai du 25 au 29 mars une émission spéciale Festival de cinéma des Trois-Amériques. Le 25 mars, en direct des studios de CKRL, nous recevrons l'intelligentsia du festival pour décortiquer cette 10e édition. Du 26 au 29 mars, les studios volants de CKRL se déplacent au Cercle 228 Saint-Joseph-Est. C'est une horde de réalisateurs, de comédiens et de scénaristes qui envahiront le Cercle pour dialoguer cinéma. Lors de cette 10e édition du FC3A, il n'y a qu'un seul rendez-vous. C'est au 89.1 de 11h à 13h du 25 au 29 mars. Les 3 et 4 avril, c'est la machine à danser Télé-Québec. Une activité familiale pour les enfants de 3 à 7 ans. Télé-Québec. Danse avec DJ sur place. Télé-Québec. Projection vidéo et des vidéos. Télé-Québec. La machine à danser est une création de Cooksatville et Projet La Pieuvre dans le cadre du Radio-Ton CKRL 89. Vernissage le 3 avril en 5 à 7. Au sous-sol du Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, les 3 et 4 avril de 13 à 16 heures, entrée gratuite. Une collaboration de Télé-Québec, du Musée de la Civilisation, d'Antenna, des productions menues, du Projet Pieuvre, de la bande vidéo, de CKRL 89.1, la radio culturelle à Québec. Confiture d'épices aux oignons confits, confiture de citrouille poivrée, confiture de fruits des champs. Vous aimez la confiture? CKRL aussi. CKRL présente son concours de la meilleure confiture au monde. Tout le monde peut participer. Faites-nous parvenir votre pot de confiture maison avec la liste des ingrédients au 405 3e avenue G1L 2W2 avant le vendredi 27 mars, 16h. Le gagnant ou la gagnante sera dévoilé lors de l'émission spéciale du Radioton 2009 Fruits et crapoutis en direct du Café Nagua le samedi 4 avril. À gagner un panier de produits bio et équitables du Café Nagua. Confiture de bleuet et chocolat noir, confiture de pommes gelées à la vanille, confiture de pruneaux et cannelle à la passe-partout. La confiture, c'est comme la culture. Moi, on en a plus, on l'étale. La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. Bonsoir ou bonjour si vous écoutez l'émission en balado-diffusion. C'est Web Musique qui débute. C'est Simon Roy qui est avec vous pour la prochaine heure. Encore une fois, j'ai parcouru les internets pour vous trouver de la bonne musique gratuite. J'ai trouvé plein de bonne musique encore une fois. On va débuter avec des trucs un peu plus électroniques, puis on va aller vers le rock vers la fin de l'émission. Donc, je vais débuter avec un artiste argentin qui s'appelle Los Datalis. C'est sur l'étiquette Discos de Piedra. C'est une étiquette qui nous vient de l'Argentine. Donc, je vous fais passer la pièce Baila Balena. Ensuite de ça, ça va être Para. C'est la pièce de Dubbers. Donc, une bonne pièce de dub. Je vous invite à mettre le son dans le fond pour entendre comme il faut l'écho. Donc, c'est sur l'étiquette A Quiet Bump, une étiquette qui nous vient de l'Italie. Le groupe, plutôt l'artiste Para est italien. On débute avec Los Datiles. A continuation, la percussion y sus bases rítmicas en la música popular. lo profano lo divino. Yo creo que nuestro camino, que va por el norte, por el viento, pero siempre el bien va a vencer. un peu de Dub planant par Para, un artiste italien. C'était la pièce de Dubbers, donc c'est sur l'étiquette A Quiet Bump, une étiquette qui nous vient de l'Italie. Avant ça, on avait débuté l'émission avec un groupe argentin qui s'appelle, un artiste argentin qui s'appelle Los Datiles. C'était la pièce Baila Balena, donc sur l'étiquette Discos de Piedra, une étiquette qui nous vient de l'Argentine. Assez pour la musique tranquille, on poursuit avec un nouvel album qui est sorti cet après-midi sur l'étiquette WM Recordings, une excellente étiquette qui nous vient des Pays-Bas. Donc, je vais vous faire passer deux pièces qui sont sur l'album Insert Coins to Continue. C'est par l'artiste allemand Brunk. La première pièce s'appelle This Should Be Played at High Volume, Preferably in a Residential Area. Donc, un titre quand même assez long. Puis, la deuxième pièce s'appelle Violence on TV. Donc, c'est deux pièces qui s'adressent aux gens avec l'esprit ouvert. Si vous n'avez pas l'esprit ouvert, la tête va vous exploser. Donc, on écoute Brunk à Web Music. Played at high volume, preferably in a residential area. how the world. On TV may be funny, but it's not so funny when that violence is happening to you. But it would be funny to someone who is watching us. Mm. No, Mom, he's right. Observe. Oh. Oh, my. Lisa, go to your room. C'est vraiment un album complètement capoté. Donc, l'artiste s'appelle Brunk, c'est un artiste allemand. Son album s'appelle Insert Coins to Continue. Vous venez tout juste d'entendre la pièce Violence on TV. Puis c'était précédé par la pièce This Should Be Played at High Volume, Preferably in a Residential Area. Donc, un titre quand même assez long. C'était sur l'excellente étiquette WM Recordings, une étiquette qui nous vient des Pays-Bas, que je vous recommande. Ils ont toujours des albums un peu comme ça, mais de plein de styles différents. Ils sont vraiment intéressants. Pour poursuivre l'émission Web Musique, je vous présente un groupe suédois qui s'appelle Discotheket. Je vous fais passer la pièce, mon Dieu, excusez-moi mon suédois, je vais essayer de le prononcer, c'est la pièce Gimmig Lidjuset, donc un peu de post-punk dark wave, c'est sur l'étiquette allemande EF Music. Donc on écoute Discotheket. Des plaintes, bonjour. Oui, j'appelle pour signaler un petit quelque chose de bien bizarre, là. Oui, allez-y, je vous écoute. Ben, l'autre jour, j'ai fait sortir mon chat, là, il est revenu, là, mais il était comme tout emballé dans du papier journal. Du papier journal. Ouais, du journal, là. Il était comme tout couvert. Impact Campus, on couvre votre quotidien. Impact Campus, le journal des étudiants de l'Université Laval. Disponible gratuitement tous les mardis. Le Festival Radiothon de CKRL, le vendredi 3 et le samedi 4 avril au CRP. Would you capture it for me? Venez découvrir les merveilles de la programmation du Festival de cinéma des Trois Amériques. Pour son 10e anniversaire, plus de 80 films d'une vingtaine de pays vous seront présentés. Rob, what's going on there? Rob wants to use the video to make a porn. Le FC3A, un festival coloré, surprenant et ouvert sur le monde. Porque está muerto, puta madre. Le Festival de cinéma des Trois Amériques, à Québec du 25 au 29 mars. Programme officiel complet au fc3a.com. I think I'm not a good person. De retour à Web Musique, c'est toujours Simon Roy qui est en votre compagnie. Avant la pause, on entendait Disco Teket, la pièce Gimmig Lejuset, donc c'est en suédois. Un peu de post-punk, dark wave sur l'étiquette EF Music, une étiquette qui nous vient de l'Allemagne. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent de se joindre à l'émission, que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez. Pour ça, ben, rien de plus simple, vous vous rendez au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous avez les liens vers les artistes et différentes ressources qui ont attrait à la musique gratuite ou, si vous voulez, la musique qui est publiée en licence Creative Commons sur Internet. Pour poursuivre l'émission, ben, on va écouter un peu de rock qui déménage pas mal. J'ai découvert une étiquette aujourd'hui qui s'appelle Beep Beep Backup the Truck, donc une étiquette avec un nom quand même assez tordant. Ça vient des Pays-Bas. Je vous fais entendre trois artistes, plutôt trois groupes. On va débuter avec Kismet. La pièce s'appelle White Castle. Ensuite de ça, un groupe qui vient d'Utrecht aux Pays-Bas. Le groupe s'appelle The Walt et leur pièce s'appelle Disco. Puis enfin, on va entendre Embrace Fire. Malheureusement, c'est un groupe défunt, mais ils ont quand même de l'excellente musique. Je vous fais entendre leur pièce She Said All Systems Go. Donc, vous écoutez Web Musique, puis je vais vous faire passer Kismet à l'émission. Thank you. c'était Embrace Fire, un groupe qui n'existe malheureusement plus, donc un groupe de Rotterdam dans les Pays-Bas. Avant ça, c'était The Walt, la pièce Disco, un groupe qui vient d'Utrecht aussi dans les Pays-Bas. Puis on avait débuté avec Kismet, la pièce White Castle. Donc trois groupes qui se retrouvent sur l'excellente étiquette Beep Beep Backup the Truck. Je vous invite à aller faire un tour de leur côté. Ils ont vraiment énormément de matériel intéressant. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir de leur côté. On poursuit l'émission Web Music avec un groupe qui s'appelle Sleep Makes Waves. C'est un groupe australien de la ville de Sydney. Donc, c'est sur l'étiquette Lost Children, une étiquette qui nous vient des Royaumes-Unis. Donc, la pièce s'appelle I Will Write Peace on Your Wings and You Will Fly Over the World. Donc, c'est une pièce qui est quand même assez longue, qui dure un bon 7 minutes. Donc, je vous reviens par la suite. We'll be right back. Vous venez d'entendre Sleep Makes Waves, la pièce I Will Ride Peace on Your Wings and You Will Fly Over the World. Donc, c'est un groupe qui nous vient de Sydney, en Australie. C'était sur l'étiquette Lost Children, une étiquette qui nous vient du Royaume-Uni. C'est malheureusement déjà tout pour Web Music. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous avez entendues à l'émission. Pour ça, ben, vous vous rendez au www.webmusic.org. Vous avez les liens vers les artistes, vers les albums. Donc, tout ce que vous entendez, c'est gratuit. Bien sûr, vous pouvez quand même acheter les albums pour encourager les artistes. C'est toujours apprécié. Nous, on va se laisser avec une pièce des Transistors, un groupe italien. Je vous fais passer leur pièce « Under Control ». Puis ensuite de ça, ça va être Jason Vlasak qui va suivre avec son émission Jazzimus actuelle. Aussi, je vous rappelle que la programmation du Radioton 2009, il va avoir une conférence de presse demain au Cercle à 10h. Donc, c'est ouvert au public. Venez faire un tour, on va dévoiler la programmation du Radioton. Donc, c'était Web Music, c'était Simon Roy qui vous parlait. Je vous souhaite une bonne nuit sur les ondes de CKRL. Soir, même le dimanche. Les 3 et 4 avril, c'est la machine à danser Télé-Québec. Une activité familiale pour les enfants de 3 à 7 ans. Télé-Québec. Danse avec DJ sur place. Télé-Québec. Projection vidéo et des mouvements. Télé-Québec. La machine à danser est une création de Cook Sasby, les projets La Pieuvre dans le cadre du Radioton CKRL 89. Au sous-sol du Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, les 3 et 4 avril de 13 à 16 heures, entrée gratuite. Une collaboration de Télé-Québec, du Musée de la Civilisation, d'Antenna, des productions Menon, du projet Pieuvre, de la bande vidéo, de CKRL 89.1, la radio culturelle à Québec. Bureau des plaintes, bonjour. Oui, j'appelle pour signaler un petit quelque chose de bien bizarre, là. Oui, allez-y, je vous écoute. Ben, l'autre jour, j'ai fait sortir mon chat, là, il est revenu, là, mais il était comme tout emballé dans du papier journal. Du papier journal? Ouais, du journal, là, il était comme tout couvert. Impact Campus, on couvre votre quotidien.